20 000 lieues sous les mers, tome 2, chapitre 18, les poulpes. Pendant quelques jours, le Nautilus s'écarta constamment de la côte américaine. Il ne voulait pas, évidemment, fréquenter les flots du golfe du Mexique ou de la mer des Antilles. Cependant, l'eau n'eut pas manqué sous sa quille, puisque la profondeur moyenne de ces mers est de 1800 mètres, mais probablement ces parages semés d'îles sillonnés de steamers ne convenaient pas au capitaine Nemo. Le 16 avril, nous eûmes connaissance de la Martinique et de la Guadeloupe, à une distance de 30 miles environ. J'aperçus un instant leurs pitons élevés. Le Canadien, qui comptait mettre ses projets à exécution dans le golfe, soit en gagnant une terre, soit en accostant un des nombreux bateaux qui font le cabotage d'une île à l'autre, fut très décontenancé. La fuite eût été fort praticable si Ned Land fût parvenu à s'emparer du canot à l'insu du capitaine. Mais en plein océan, il ne fallait plus y songer. Le Canadien, Conseil et moi, nous eûmes une assez longue conversation à ce sujet. Depuis 6 mois, nous étions prisonniers à bord du Nautilus. Nous avions fait 17 000 lieues, et comme le disait Ned Land, il n'y avait pas de raison pour que cela finît. Il me fit donc une proposition à laquelle je ne m'attendais pas. Ce fut de poser catégoriquement cette question au capitaine Nemo. Le capitaine comptait-il nous garder indéfiniment à son bord? Une semblable démarche me répugnait. Suivant moi, elle ne pouvait aboutir. Il ne fallait rien espérer du commandant du Nautilus, mais tout de nous seuls. D'ailleurs, depuis quelque temps, cet homme devenait plus sombre, plus retiré, moins sociable. Il paraissait m'éviter. Je ne le rencontrais qu'à de rares intervalles. Autrefois, il se plaisait à m'expliquer les merveilles sous-marines. Maintenant, il m'abandonnait à mes études et ne venait plus au salon. Quel changement s'était opéré en lui? Pour quelle raison? Je n'avais rien à me reprocher. Peut-être notre présence à bord lui pesait-elle. Cependant, je ne devais pas espérer qu'il fût homme à nous rendre la liberté. Je priai donc Ned de me laisser réfléchir avant d'agir. Si cette démarche n'obtenait aucun résultat, elle pouvait raviver ses soupçons, rendre notre situation pénible et nuire au projet du Canadien. J'ajouterai que je ne pouvais en aucune façon invoquer la question de santé. Si l'on accepte la rude épreuve de la banquise du pôle Sud, nous ne nous étions jamais mieux portés, Ned, Conseil et moi. Cette nourriture saine, cette atmosphère salubre, cette régularité d'existence, cette uniformité de température ne donnaient pas prise aux maladies, et pour un homme auquel les souvenirs de la terre ne laissaient aucun regret, pour un capitaine Nemo qui est chez lui, qui va où il veut, qui, par des voies mystérieuses pour les autres, non pour lui-même, marche à son but, je comprenais une telle existence. Mais nous n'avions pas rompu avec l'humanité. Pour mon compte, je ne voulais pas ensevelir avec moi mes études si curieuses et si nouvelles. J'avais maintenant le droit d'écrire le vrai livre de la mer, et ce livre, je voulais que, plus tôt que plus tard, il pût voir le jour. Le 20 avril, nous étions remontés à une hauteur moyenne de 1500 mètres. La terre la plus rapprochée était alors cet archipel des îles Lucaille, disséminé comme un tas de pavés à la surface des eaux. Là s'élevaient de hautes falaises sous-marines, murailles droites faites de blocs frustes, disposées par larges assises, entre lesquelles se creusaient des trous noirs que nos rayons électriques n'éclairaient pas jusqu'au fond. Ces roches étaient tapissées de grandes herbes, de laminaires géantes, de fucus interminables, un véritable espalier d'hydrophytes digne d'un monde de titans. De ces plantes colossales dont nous parlions, Conseil, Ned et moi, nous fûmes naturellement amenés à citer des animaux gigantesques de la mer. Les unes sont évidemment destinées à la nourriture des autres. Cependant, par les vitres du Nautilus, presque immobile, je n'apercevais encore sur ces longs filaments que les principaux articulés de la division des brachiures, des lambres à longues pattes, des crabes violacés, des clios particuliers aux mers des Antilles. Il était environ 11 heures quand Ned Land attira mon attention sur un formidable fourmillement qui se produisait à travers les grandes algues. « Eh bien, dis-je, ce sont là de véritables cavernes à poulpes, et je ne serais pas étonné d'y voir quelques-uns de ces monstres. »« Quoi ? » fit Conseil, « des calmars, de simples calmars de la classe des céphalopodes ?»« Non, dis-je, des poulpes de grande dimension. » Mais l'ami Ned s'est trompé sans doute, car je n'aperçois rien. « Je le regrette, » répliqua Conseil, « je voudrais contempler face à face un de ces poulpes dont j'ai tant entendu parler, et qui peuvent entraîner des navires dans le fond des abîmes. Ces bêtes-là, ça se nomme des craques. »« Craques suffit, » riposta ironiquement le Canadien. « Krakens, » riposta Conseil, achevant son mot, sans se soucier de la plaisanterie de son compagnon. « Jamais on ne me fera croire, » dit Ned Land, « que de tels animaux existent. » « Pourquoi pas, » répondit Conseil, « nous avons bien cru au narval de monsieur. »« Nous avons eu tort, Conseil. »« Sans doute, mais il est probable que d'autres y croient encore. »« C'est vraisemblable, » répondis-je à Conseil, « mais pour mon compte, je suis bien décidé à n'admettre l'existence de ces monstres que lorsque je les aurai disséqués de ma propre main. » « Ainsi, me demanda Conseil, monsieur ne croit pas à l'existence des poulpes gigantesques ?»« Eh, qui diable y a jamais cru ?» s'écria le Canadien. « Beaucoup de gens, ami Ned. Pas des pêcheurs, des savants peut-être. »« Pardon, Ned, des pêcheurs et des savants. »« Mais moi qui vous parle, dit Conseil de l'air le plus sérieux du monde, je me rappelle parfaitement avoir vu une grande embarcation entraînée sous les flots par les bras d'un céphalopode. » « Vous avez vu cela ?» demanda le Canadien. « Oui, Ned. De vos propres yeux ?»« De mes propres yeux. »« Où, s'il vous plaît ?»« À Saint-Malo, » répartit imperturbablement Conseil. « Dans le port ?» dit Ned Land ironiquement. « Non, dans une église, » répondit Conseil. « Dans une église ?» s'écria le Canadien. « Oui, ami Ned, c'était un tableau qui représentait le poulpe en question. » « Bon, » fit Ned Land, éclatant de rire, « monsieur Conseil qui me fait poser. » « Au fait, il a raison, dis-je, j'ai entendu parler de ce tableau. Mais le sujet qu'il représente est tiré d'une légende. Et vous savez ce qu'il faut penser des légendes en matière d'histoire naturelle. D'ailleurs, quand il s'agit de monstres, l'imagination ne demande qu'à s'égarer. Non seulement on a prétendu que ces poulpes pouvaient entraîner des navires, mais un certain Olaus Magnus parle d'un céphalopode long d'un mille qui ressemblait plutôt à une île qu'à un animal. » On raconte aussi que l'évêque de Nidros dressa un jour un autel sur un rocher immense. Sa messe finie, le rocher se mit en marche et retourna à la mer. Le rocher était un poulpe. « Et c'est tout ? » demanda le Canadien. « Non, répondis-je, un autre évêque, Pontopitam de Berghem, parle également d'un poulpe sur lequel pouvait manœuvrer un régiment de cavalerie. » Ils allaient bien, les évêques d'autrefois. Enfin, les naturalistes de l'Antiquité citent des monstres dont la gueule ressemble à un golfe et qui étaient trop gros pour passer par le détroit de Gibraltar. « À la bonne heure !» fit le Canadien. « Mais dans tous ces récits, qu'y a-t-il de vrai ?» demanda Conseil. « Rien, mes amis, rien du moins de ce qui passe la limite de la vraisemblance pour monter jusqu'à la fable ou à la légende. Toutefois, à l'imagination des conteurs, il faut sinon une cause, du moins un prétexte. On ne peut nier qu'il existe des poulpes et des calmars de très grande espèce, mais inférieurs cependant aux cétacés. Aristote a constaté les dimensions d'un calmar de 5 coudées, soit 3,10 mètres. Nos pêcheurs en voient fréquemment, dont la longueur dépasse 1,80 mètres. Les musées de Trieste et de Montpellier conservent des squelettes de poulpes qui mesurent 2 mètres. D'ailleurs, suivant le calcul des naturalistes, un de ces animaux, long de 6 pieds seulement, aurait des tentacules longs de 27, ce qui suffit pour en faire un monstre formidable. « En pêche-t-on de nos jours ?» demanda le Canadien. « S'il n'en pêche pas, les marins en voient du moins. Un de mes amis, le capitaine Paul Boss, du Havre, m'a souvent affirmé qu'il avait rencontré un de ces monstres de taille colossale dans les mers de l'Inde. Mais le fait le plus étonnant, et qui ne permet plus de nier l'existence de ces animaux gigantesques, s'est passé il y a quelques années en 1861. Quel est le fait ? Demanda Ned Land. Le voici. En 1861, dans le nord-est de Tenerife, à peu près à la latitude où nous sommes en ce moment, l'équipage de l'aviso Alecton aperçut un monstrueux calmar qui nageait dans ses eaux. Le commandant Bouguer s'approcha de l'animal et il l'attaqua à coups de harpon et à coups de fusil sans grand succès, car balles et harpons traversaient ses chairs molles comme une gelée sans consistance. Après plusieurs tentatives infructueuses, l'équipage parvint à passer un nœud coulant autour du corps du mollusque. Ce nœud glissa jusqu'aux nageoires caudales et s'y arrêta. On essaya alors de haler le monstre à bord, mais son poids était si considérable qu'il se sépara de sa queue sous la traction de la corde, et privé de cet ornement, il disparut sous les eaux. « Enfin, voilà un fait, » dit Ned Land. « Un fait indiscutable, mon brave Ned. Aussi a-t-on proposé de nommer ce poulpe calmar de Bouguer. » « Et quelle était sa longueur ?» demanda le Canadien. « Ne mesurait-il pas 6 mètres environ ?» dit Conseil, qui, posté à la vitre, examinait de nouveau les anfractuosités de la falaise. « Précisément, » répondis-je. « Sa tête n'était-elle pas couronnée de 8 tentacules, qui s'agitaient comme une nichée de serpents ?»« Précisément. » « Ses yeux, placés à fleur de tête, n'avaient-ils pas un développement considérable ?»« Oui, Conseil. » Et sa bouche, n'était-ce pas un véritable bec de perroquet, mais un bec formidable? En effet, Conseil. Eh bien, n'en déplaise à monsieur, si ce n'est pas le calmar de Bouguer, voici du moins un de ses frères. Je regardai Conseil. Ned Land se précipita vers la vitre. L'épouvantable bête, s'écria-t-il. Je regardai à mon tour, et je ne pus réprimer un mouvement de répulsion. Devant mes yeux s'agitait un monstre horrible, digne de figurer dans les légendes tératologiques. C'était un calmar de dimension colossale, ayant 8 mètres de longueur. Il marchait à reculons avec une extrême vélocité dans la direction du Nautilus. Il regardait de ses énormes yeux fixes à teinte glauque. Ses 8 bras, ou plutôt ses 8 pieds, implantés sur la tête, qui ont valu à ces animaux le nom de céphalopodes, avait un développement double de son corps et se tordait comme la chevelure des furies. On voyait distinctement les 250 ventouses disposées sur la face interne des tentacules sous forme de capsules semi-sphériques. Parfois, ces ventouses s'appliquaient sur la vitre du salon en y faisant le vide. La bouche de ce monstre, un bec de corne fait comme le bec d'un perroquet, s'ouvrait et se refermait verticalement. Sa langue, substance cornée, armée elle-même de plusieurs rangées de dents aiguës, sortait en frémissant de cette véritable cisaille. Son corps, fusiforme et renflé dans sa partie moyenne, formait une masse charnue qui devait peser 25 000 kilogrammes. Sa couleur, inconstante, passait successivement du gris livide au brun rougeâtre. Le hasard nous avait mis en présence de ce calmar, et je ne voulus pas laisser perdre l'occasion d'étudier soigneusement cet échantillon des céphalopodes. Je surmontai l'horreur que m'inspirait son aspect, et prenant un crayon, je commençai à le dessiner. « C'est peut-être le même que celui de la lecton, » dit Conseil. « Non, » répondit le Canadien, « puisque celui-ci est entier, et que l'autre a perdu sa queue. » « Ce ne serait pas une raison, » répondis-je, « les bras et la queue de ces animaux se reforment par réintégration, et depuis 7 ans la queue du calmar de Bouguer a sans doute eu le temps de repousser. » « D'ailleurs, » riposta Ned, « si ce n'est pas celui-ci, c'est peut-être un de ceux-là. » En effet, d'autres poulpes apparaissaient à la vitre de tribord, j'en comptais 7. Ils faisaient cortège au Nautilus, et j'entendais les grincements de leur bec sur la coque de tôle. Nous étions servis à souhait. Je continuais mon travail. Ces monstres se maintenaient dans nos eaux avec une telle précision qu'ils semblaient immobiles, et j'aurais pu les décalquer en raccourci sur la vitre. D'ailleurs, nous marchions sous une allure modérée. Tout à coup, le Nautilus s'arrêta. Un choc le fit tressaillir dans toute sa membrure. « Est-ce que nous avons touché ?» demandai-je. « En tout cas, » répondit le Canadien, « nous serions déjà dégagés, car nous flottons. » Le Nautilus flottait sans doute, mais il ne marchait plus. Les branches de son hélice ne battaient plus les flots. Une minute se passa. Le capitaine Nemo entra dans le salon. Je ne l'avais pas vu depuis quelque temps. Il me parut sombre. Sans nous parler, sans nous voir peut-être, il alla au panneau, regarda les poulpes et dit quelques mots à son second. Celui-ci sortit. Bientôt les panneaux se refermèrent. Le plafond s'illumina. J'allai vers le capitaine. Une curieuse collection de poulpes, lui dis-je, du ton dégagé que prendrait un amateur devant le cristal d'un aquarium. En effet, monsieur le naturaliste, me répondit-il, et nous allons les combattre corps à corps. Je regardai le capitaine. Je croyais n'avoir pas bien entendu. Corps à corps, répétai-je. Oui, monsieur, l'hélice est arrêtée. Je pense que les mandibules cornées de l'un de ces calmars se sont engagées dans ses branches, ce qui nous empêche de marcher. Et qu'allez-vous faire? Remonter à la surface et massacrer toute cette vermine. Entreprise difficile. En effet, les balles électriques sont impuissantes contre ces chairs molles, où elles ne trouvent pas assez de résistance pour éclater. Mais nous les attaquerons à la hache. Nous vous accompagnons, dis-je, et suivant le capitaine Nemo, nous nous dirigeâmes vers l'escalier central. Là, une dizaine d'hommes armés de haches d'abordage se tenaient prêts à l'attaque. Conseil et moi nous prîmes deux haches. Ned Land saisit un harpon. Le Nautilus était alors revenu à la surface des flots. Un des marins, placé sur les derniers échelons, dévissait les boulons du panneau. Mais les écrous étaient à peine dégagés, que le panneau se releva avec une violence extrême, évidemment tirée par les ventouses d'un bras de poulpe. Aussitôt, un de ses longs bras se glissa comme un serpent par l'ouverture, et 20 autres s'agitèrent au-dessus. D'un coup de hache, le capitaine Nemo coupa ce formidable tentacule qui glissa sur les échelles en se tordant. Au moment où nous nous pressions les uns sur les autres pour atteindre la plateforme, deux autres bras, cinglant l'air, s'abattirent sur le marin placé devant le capitaine Nemo et l'enlevèrent avec une violence irrésistible. Le capitaine Nemo poussa un cri et s'élança au dehors. Nous nous étions précipités à sa suite. Quelle scène ! Le malheureux, saisi par le tentacule et collé à ses ventouses, était balancé dans l'air aux caprices de cette énorme trompe. Il râlait, il étouffait, il criait « À moi ! À moi !» Ces mots prononcés en français me causèrent une profonde stupeur. J'avais donc un compatriote à bord, plusieurs peut-être. Cet appel déchirant, je l'entendrai toute ma vie. L'infortuné était perdu. Qui pouvait l'arracher à cette étreinte? Cependant, le capitaine Nemo s'était précipité sur le poulpe, et d'un coup de hache, il lui avait encore abattu un bras. Son second luttait avec rage contre d'autres monstres qui rampaient sur les flancs du Nautilus. L'équipage se battait à coups de hache. Le Canadien, Conseil et moi nous enfoncions nos armes dans ces masses charnues. C'était horrible. Un instant, je crus que le malheureux, enlacé par le poulpe, serait arraché à sa puissante succion. 7 bras sur 8 avaient été coupés. Un seul, brandissant la victime comme une plume, se tordait dans l'air, mais au moment où le capitaine Nemo et son second se précipitaient sur lui, l'animal lança une colonne d'un liquide noirâtre sécrété par une bourse située dans son abdomen. Nous en fûmes aveuglés. Quand ce nuage se fut dissipé, le calmar avait disparu et avec lui, mon infortuné compatriote. Quelle rage nous poussa alors contre ces monstres! On ne se possédait plus. 10 ou 12 poulpes avaient envahi la plateforme et les flancs du Nautilus. Nous roulions pêle-mêle au milieu de ces tronçons de serpents qui tressautaient sur la plateforme dans des flots de sang et d'encre noire. Le harpon de Ned Land à chaque coup se plongeait dans les yeux glauques des calmars et les crevait. Mais mon audacieux compagnon fut soudain renversé par les tentacules d'un monstre qu'il n'avait pu éviter. Le formidable bec du calmar s'était ouvert sur Ned Land. Ce malheureux allait être coupé en deux. Je me précipitai à son secours, mais le capitaine Nemo m'avait devancé. Sa hache disparut entre les deux énormes mandibules, et, miraculeusement sauvé, le Canadien se relevant,